la première photo mystère sous pli cacheté. Pour 10 secondes, des infos non, pour ton équipe. Moi, je le vois d'ici, Maurice. Top chrono. Allez. Alors, qu'est-ce que je donne ? Des infos pour ton équipe. Ah, des infos. Ah, bah, qu'est-ce que je donne ? Des infos. Alors, c'est un film. C'est fini. Alors, tu as dit, qu'est-ce que je donne ? Des infos. Qu'est-ce que je donne ? C'est un film. C'est un film. Super. Merci, Maurice. Donc, c'est un film, Bob. Une réponse. Un film. Quai des Brumes. Non. La main passe pour 10 secondes ça pour vous. Rodriguez au pays des merguez. Non plus. Alors, Maurice, pour 10 secondes, de nouvelles informations. Et là, profite de tes 10 secondes pour ton équipe. Attention, top. Alors. Merci Maurice. Non mais parce que les 10 secondes commencent et au moment où le chrono part, Maurice lève la tête en rêvassant en disant alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, alors. On va lui relâcher 10 secondes. Alors Maurice, je te laisse 10 secondes là. Attention, pour des infos importantes, pour ton équipe, le poids est en jeu. Top ! Oui, eh ben. Alors, c'est. Non, chut, Bob, chut. Alors, chut, arrête, Bob. Allez, Maurice ! C'est un film. Toujours un film. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il a été lobotomisé, c'est pas possible autrement.